aux Étatifs. 89.1 Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Samuel Girard partira sur une chie rare dans sa chronique hebdomadaire sur l'actualité et Marie-Christine Perra déversera ses descriptions artistiques dans gratin et vin gratuit. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce lundi 18 janvier 2016, 99 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On entre dans les 100 jours. Hey, dans les 100 jours c'est déjà, non? C'est pas long. À chaque fois que le thème commence, évidemment, c'est sur les paroles de Vanessa Parietaire, chantées par Tania et moi sur une musique de Ludwig Göransson. On commence aujourd'hui. Oh, fallait pas le dire que c'était toi c'est puis ça. Moi. Si jamais les gens veulent nous lapider, faut pas dire que c'est nous. T'es toujours surprise, mais en même temps, au moins on n'a pas à la chanter live. Oui, non, ça c'est vrai, faut le dire. C'est pas live. Faut voir le bon côté des choses. Dites-vous ça. Bienvenue à Assemblage Reiki. Ce matin, ben, Colin, on est bien, je trouve, dehors. On est bien, on est très bien. J'ai failli mourir, par exemple, en entrant sur le stationnement. Il y avait comme une machine qui lançait le sel pour les plaques de glace qu'il y a un peu partout dans le stationnement. Et malgré le fait que je klaxonnais, le gars se rendait pas compte que j'étais derrière lui et qu'il reculait. Mais tu sais, il reculait pareil, là. Ouais. Il reculait. Donc, j'ai klaxonné 5 fois et c'est arrivé 2 fois. Aïe, aïe. J'étais comme, OK, soit tu dors ce matin, soit comme t'es pas là. Hein? Tu t'es fait assaisonner un peu. Oui, c'est ça exactement. Ma voiture est pleine de sel présentement. Une pincée. C'est pour ça. Toi. Pour une fille aussi pincée. Il voulait cuisiner. Voilà. Ah, tiens, parlant de femme pincée, à 9h, on va voir Marie-Christine Perra. Dans le bon sens du terme, c'est qu'elle a du goût. Ben oui. C'est une femme de culture, donc sa chronique gratin et vin gratuit s'en vient à 9h. Avant ça, on va voir Samuel Girard à 8h30, qui va nous parler, lui, d'actualité. Un petit peu partout à travers le Québec, le Canada, habituellement, on parle de politique et d'actualité au sens large, donc à 8h30. Il y a ta chronique à toi, Tania Esgonatutinia, qu'est-ce qui s'en vient plus tard? Mais on va parler de super-héros. Ouh. Tu sais, j'aime bien ça. Oui. Ça fait quelques temps qu'on n'a pas parlé de télésérie. En fait, on avait parlé de... Ben, j'avais discuté un petit peu de MasterChef la semaine dernière. Ouais. Mais là, vraiment, on y va dans les bonnes séries qu'on aime, donc super-héros, ce matin. Quelque chose d'écrit. Oui. Et non pas quelque chose de télé-réalité. Comme... Non, c'est ça, comme tu décrivais. Comme des trucs de cuisine avec du sel à outrance. C'est ça. On va commencer l'émission avec C'est un fait dans quelques instants. Mais avant ça, on écoute une pièce de Renard Blanc. Voici La Brume. Ouh, Assemblage Reiki. Yeah. brume par Renard Blanc à Assemblage Ricky. On est lundi matin, c'est enneigé partout, mais ça va pas nous empêcher de nous rendre à nos cours. Et si vous pouvez pas vous rendre à vos cours, ben moi, je vais vous en donner un. Hein? Oh! À distance! À distance! Mathieu le professeur. Ouh! C'est un fait. C'est un fait. Parle-moi ça. Ah! T'as peur. Ah voilà. Ah voilà. Manipulation de doigts. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et justement, parlant de manipulation de doigts, comme j'ai eu de la difficulté à faire là, on va parler d'une femme suisse. En 2007, elle a été incapable d'entrer aux États-Unis parce qu'elle n'avait pas d'empreinte digitale. Ça se peut, ça? Ça se peut. C'est un désordre génétique très rare qui s'appelle l'adermatoglyphie. Où une personne naît sans empreinte digitale. On sait que ça arrive dans seulement 4 familles, des familles genre au sens large, le cousin de la face gauche. C'est ça. Bon, okay. Donc des grandes familles sur Terre qui n'ont pas d'empreinte digitale. Il y en a 4. La dermatoglyphie, donc un désordre génétique rare. En 2007, un dermatologue nommé Peter Itin a été contacté par une femme suisse avec une drôle de question. Elle a de la difficulté à rentrer aux États-Unis parce qu'elle n'a pas d'empreinte digitale, comme je disais. Les règles disent que tous les non-résidents doivent avoir leur empreinte digitale, lorsqu'ils entrent au pays. Et les autorités ne comprenaient pas pourquoi elle n'en avait pas. Elle était née sans ça. C'était pas un feu ou quelque chose qui l'avait des... C'est comme une mutante. Une mutante. Et peut-être qu'elle a des super pouvoirs grâce à ça. Peut-être. Mutante, mu-oncle, mu-cousin-cousine, comme c'est on a une famille voilà. Au sens large. Ouais. C'est un drôle de pouvoir à avoir, par contre. Ouais, j'avoue. Mais ça veut-tu dire que ça t'empêche de faire beaucoup de choses? J'imagine, hein. Peut-être entrer dans des endroits qui auraient des empreintes digitales pour entrer avec juste appuyer sur ton... J'avoue que voyager pour elle, ça doit être assez compliqué. Touch ID sur l'iPhone. C'est peut-être écrit dans son passeport. Peut-être. Parce que t'as pas ton empreinte digitale dans ton passeport. C'est Yeah, boy. Donc, il y a un groupe ensuite qui s'appelle les Science Cheerleaders. C'est des cheerleaders pour la NBA et la NFL qui travaillent ou étudient en sciences et encouragent les filles à entrer, les femmes, évidemment, dans le domaine des sciences. C'est cool, ça, hein? C'est pas des pichous, hein, non plus? Non, ça, c'est sûr. Donc, une association de 300 environ professionnels du cheerleading au football et au basketball qui travaillent aussi en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. STEM, qu'on appelle STEM, STEM. Parlons d'animaux un peu. Les lapins peuvent voir ce qu'il y a derrière eux sans tourner leur tête. Ils ont une vision panoramique à presque 360 degrés, ce qui leur permet de détecter les prédateurs de toutes les directions. Ils peuvent voir tout derrière eux. Par contre, ils ont un petit problème avec ce qu'il y a directement en avant de leur nez. Ben voyons donc. Ils ont une zone blind spot, là, comme on l'appelle. Comment on appelle ça en français? Un angle mort. Un angle mort, voilà. Eux, leur angle mort, c'est devant eux. Directement pas devant. Super, hein? C'est quand même... C'est très drôle. Et les lapins aussi voient mal de... Farsighted, est-ce que c'est de voir mal de proche ou de loin, ça? Four. Je dirais de loin? Ils ont de la misère à voir de loin, ce qui fait qu'ils ont peur des fois quand il y a des avions qui passent par-dessus leur tête. Même si leurs compagnons humains peuvent les voir, eux ont de la difficulté à le voir et ont peur, si je comprends bien. Oh, quand même. Voilà. Ouais. Alors ensuite, le symbole à commercial, le hat, n'est pas une invention moderne. On l'a trouvé dans des documents qui dataient de 1345. Le hat était utilisé à l'époque pour signifier le « a » avec un accent grave dans un protocole de 1874 de cour suédoise. Et le symbole « hat » a été utilisé pour le « a » dans « amen », une formule dans une traduction bulgare des chroniques de Manas, Manasses Chronicle en 1345. Ensuite de ça, un blogueur anonyme a beaucoup de fans en ce moment en ligne en passant des vidéos. C'est une fille où elle écrase sa face, son visage dans des produits de pain, donc de pâtisserie. Elle a même eu un profil par le New York Times et elle est bien populaire, bien, bien populaire. Attends. On peut-tu remettre en question la popularité ici, là? Ben oui. La seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle met son visage dans du pain. Son compte Instagram s'appelle Breadface Blog. Et elle donne aux gens quelque chose qu'ils n'ont pas demandé, dit-elle. Ouais, bon, si je ne l'ai pas demandé, c'est pour une raison. Voilà, 42 000 abonnés. 42 000 abonnés pour une fille qui se met la face dans du pain. Bien évidemment, c'est différentes sortes de pain à chaque fois, il faut le dire quand même. Ah ben oui, et autres produits de pâtisserie et pâtes et autres. Il y a plein de trucs. Là. C'est pas juste un pain blanc, là. OK. Ça serait plate, ça. C'est pas le pain-pomme, là, ou le gadois. C'est pas le pain-pomme ou le gadois. Et elle s'habille différemment à chaque fois. Oh mon Dieu! Et décore son arrière-plan différemment aussi. Hey, hein? Ça change tout, hein? Toute une question de popularité. Maintenant, combien paierais-tu? En 1818, un homme anglais accusé de meurtre a demandé un combat, un procès par combat. Surprenamment, la loi qui permettait un procès par combat était toujours valide à l'époque en 1818 et l'homme a été acquitté lorsque son accuseur, la personne qui l'accusait, bref, a refusé de se battre. Le procès par combat a été aboli l'année d'après en 1819. Eh boy, hein, des fois il faut prendre soin de ces petites lois-là, sinon hein, ça pourrait faire quelque chose de drôle. Hein. Les étudiants du MIT ont découvert qu'en achetant 600 000 $ de billets de loterie au Massachusetts dans leur Cash Win-All Lottery, ils pouvaient avoir un retour sur leur investissement de 10 à 15%. Donc pendant 5 ans, ils ont réussi à prendre 8 millions du système de la loterie par cette méthode-là en achetant tous les billets, pas tous les billets, mais 600 000 $ de billets. Wow. Ça ressemble un petit peu au Powerball. Ouais, un petit peu. Ensuite, à l'âge de 52 ans, le bassiste des Rolling Stones, Bill Wyman, a marié Mandy Smith, qui avait 18 ans à l'époque, mais s'est divorcé après un an. Oh. Ben oui. Pourquoi? Ça dit-tu? Non, ça dit pas, mais ça dit par contre que le fils de 30 ans de Bill a marié la mère de Mandy, c'est la fille de 18 ans tantôt. Oh, c'est juste tellement wrong. Qui avait 46 ans. Si Bill et Mandy étaient restés mariés, Steven aurait été... le beau-père de son père et son propre grand-père. C'est vraiment troublant. C'est spécial, hein? Ça vous tente pas de dater des gens de votre... Le nombre de poissons qu'il y a dans l'océan? Eh oui. Hey. Quand la reine va mourir... Oui. Quand la reine, évidemment, en Grande-Bretagne, va mourir, il n'y a aucune émission de comédie sur la BBC qui va être diffusée pendant 12 jours. Parce que le peuple est en deuil. Oui, on ne rira pas pendant 12 jours. 13e jour? Ah ouais. Correct, vas-y. Là, ils les mettent toutes une après l'autre. Un marathon. C'est ça. C'est incroyable. En 2008, un homme du Texas a essayé de faire que son suicide ait l'air d'un meurtre en attachant des ballons d'hélium à son fusil pour qu'il parte en s'envolant et que ça donne l'impression que quelqu'un d'autre l'avait tué. L'enquêteur a réussi à résoudre le cas lorsqu'il a trouvé un fusil attaché à des ballons d'hélium sur un cactus dans le coin. Au Texas, il y a des cactus. Waouh, ben oui. Mais ça, c'est incroyable. C'est quand même assez... Mais avoue que c'est fort de penser à ça, de l'hélium. Ouais. Tu te dis, c'est sûr qu'il n'y aura pas de preuves. Ça va s'en aller super loin. Je sais pas, il a dû partir, il a dû monter, mais c'est monter qu'à un moment donné, ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, malgré l'hélium, à cause de la pression, ça doit redescendre. Et sûrement qu'il n'a pas choisi une journée assez venteuse. Probablement. Pour que ça s'en aille. Il a sûrement pas pris en considération son propre poids. Du fusil. Parce qu'il s'est pas attaché de l'hélium à lui-même. C'est ça. Oui, exact. Oui, c'est ça, le poids du fusil. Ah, j'avoue. Peut-être que ça allait faire descendre les ballons d'hélium plus rapidement. Il aurait peut-être dû mettre plus de ballons. C'est ça. Plus de ballons, plus de vent. On a réglé ton problème, monsieur du Texas. Et voilà. Bon. On pourrait devenir détective, nous aussi. On est vraiment hot là-dessus, quand même. Et je vous rappelle qu'on sort ça de notre fessier. On n'a absolument aucune capacité, ni médicale, ni policière, ni détective. Malheureusement. Fait que les affaires qu'on dit sur le vent puis la pression, on n'a aucune découverte. Ouais, c'est ça. Mais ça a l'air vrai quand on le dit, ça. Avoue qu'on a l'air intelligent quand on le dit. Avoue. Ben moi, après ça, je suis là pour nous ramener sur Terre, un peu comme l'hélium et comme le cactus. Oui, avec le, oui, le fusil. Est-ce que tu connais la top modèle, toi qui es une fan de mode, là? La top modèle de Victoria's Secret, Carolina Kurkova, est-ce que tu la connais? Attends, ça me dit quelque chose? Je vais la googler oui, à Google ce moment-là. Google-moi ça. Carolina Kurkova. Pendant j'imagine que, moi, je vais tomber sur une femme en sous-vêtements. Peut-être. OK, elle me dit quelque chose, mais je dois avouer que je savais pas nécessairement c'était qui. Est-ce que tu remarques quelque chose de différent chez elle? Ben, je trouve qu'elle ressemble à la femme de Jonathan Bernier. Bon, ben, tu vois, c'est pas ça son fait. C'est pas son fait. Non, son fait est vraiment, vraiment plus intéressant que ça, parce que ça, probablement, je me fous, c'est qui le gars? Mm-hmm. C'est qui le gars? Un coureur automobile, un joueur de hockey? Un joueur de hockey. C'est le gardien de but des Maple Leafs. Bon. Donc, tu t'en fous, hein? Ben, est-ce que j'ai l'air de m'en foutre? Voyons donc. Ben oui, tout à fait. Tout m'intéresse. Tout m'intéresse. Tu iras chercher Martine Forget sur Google. Je suis sûr que là, tu vas t'intéresser tout d'un coup à ça. Ça par contre. Donc, la top modèle de Victoria's Secret, Carolina Kurkova, est née avec une condition médicale vraiment intrigante. Ça okay. fait sa condition médicale, sa complication médicale, en fait, lors d'une opération, ça fait qu'elle n'a plus de nombril. Hein? OK, attends, je vais voir. Donc, on photoshop... Hey, ben oui, c'est vrai. On photoshop un nombril artificiel dans ses photographies. Avoue que c'est vraiment intriguant, là. Ben, je dois avouer qu'on dirait que ça paraît que ça a été photoshopé parce que c'est pas assez profond. C'est ça, là, mais en même temps, hein? Tu l'aurais jamais su si je te l'avais pas dit. Non, c'est ça, je l'aurais pas su si tu me l'avais pas dit. Carolina Kurkova avec des cas partout. Ça apparaît sur les photos où elle défile. Ah, voilà, ben oui, c'est sûr, parce que ça, c'est des vraies photos. Ouais. Mais sur les photos où qu'elle est justement en séance, mettons, de photos, là, ça paraît. Parce que c'est pas le même type de nombril. Mais moi, qui aime les filles avec une petite différence ou une petite particularité. Là. C'est la femme de ta vie. Thomas Jefferson, ancien président des États-Unis. Thomas Jefferson. Oui. On change de domaine, comme tu peux voir. Il était propriétaire d'un mouton. OK. Qu'il appelait l'abominable animal. Ah bon? Il l'a gardé dans la cour avant de la Maison-Blanche, où, là où il a attaqué, pas lui le président, mais lui le mouton, a attaqué plusieurs personnes et a tué un petit garçon en 1808. Ah, mon Dieu, c'est agressif. Ouais. Le commandant d'Apollo 12, Pete Conrad, d'accord? Donc, astronaute, Apollo 12, Pete Conrad, son premier mot après avoir mis le pied sur la Lune a été le mot « Whoopee! » Oh! « Whoopee! » pour gagner une gageure de $500 faite par un journaliste italien, disant que la NASA... En fait, c'était bien sûr à savoir si la NASA écrivait les déclarations des astronautes avant qu'ils les fassent. Donc lui s'est dit, je vais prendre un mot que c'est impossible qu'on m'ait donné ou fourni. Donc le mot « whoopee ». Ah, mais c'est bien. Ben oui. Est-ce que c'est « whoopee » ou « whoopee » Ben, ça dépend. Là, avec le point d'exclamation, j'aurais dit comme « whoopee ». Ouais, c'est ça. « Whoopee ». Ouais, à cause du point d'exclamation. OK. Il y a une hotline, une ligne chaude. Oui, une Mathieu. Une ligne téléphonique qu'on peut appeler quand on fait des films. Donc, les gens qui font des films peuvent taper cette ligne de conseils scientifiques. Le but est d'incorporer de la science précise et donc correcte dans les films. Sérieux? Une hotline. J'ai pas le numéro pour vous parce que c'est seulement c'est pour les gens qui font des films. C'est ça que je m'en allais chercher. Non, mais en fait, là, c'est sur scienceandentertainmentexchange.org. Ben oui. Hey, ça dit Los Angeles Office, Washington Office. Là, t'as plusieurs départements, mettons. Voilà, t'as le département, oui, évidemment, c'est des personnes. T'as The Science and Entertainment Exchange National Academy of Sciences. T'as trois personnes. T'as le directeur de la programmation, Program Director. T'as le Program Coordinator. Oui. Et t'as le Senior Program Assistant. Ça, c'est si jamais t'as de la difficulté avec tes effets spéciaux de science, j'imagine. Peut-être, ouais, je sais pas. C'est à dire, mais intriguant quand même. Et ça dit que The Science and Entertainment Exchange a amélioré notre film Tron Legacy. Nous avons pu imaginer des choses que nous n'aurions jamais été capables ou assez braves d'imaginer. Si vous voulez pousser les choses plus loin, ouvrez votre cerveau à la science. Et est-ce que tu sais où ça se trouve, ça, exactement, à Los Angeles? C'est sur le campus de l'université de UCLA. Ils nous battent-tu, tu penses? On a-tu ça, nous autres, ici? Non. On n'a pas vraiment ça, hein? On devrait peut-être en créer une. À un moment donné, là. Force-toi un peu. Mm-hmm. La scène de l'atterrissage lors du D-Day dans Saving Private Ryan. Oui. C'est un truc de guerre, tout ça, donc il faut sauver le soldat Ryan. Cette scène-là était tellement violente que le film aurait très bien pu recevoir une cote de NC-17 aux États-Unis, donc 17+. Ah, ouais. Mais par contre, ils ont reçu un R, donc Restricted, étant donné l'exception... chef-d'œuvre qu'on appelle exception chef-d'œuvre, c'est quand le film est tellement un chef-d'œuvre qu'il faut absolument genre que ce soit. Mais je pense qu'il n'y a pas personne qui ne connaît pas ce film-là. À cause de Tom Hanks. Ben à cause de Tom Hanks, mais à cause que je pense que toutes les profs d'histoire à un point dans leur vie ont fait passer ce film-là. Ouais. Dans un de leurs cours. C'est ça. C'est sûr. Attends, un petit peu, le R-Restricted, ça demande que les enfants sous 17 ans soient accompagnés d'un parent ou d'un gardien adulte. Alors que NC-17, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui aurait été supposé être sa cote, ça aurait été personne en dessous de 17 ans est admis. Donc, il faut absolument être un adulte d'apparence et les enfants ne sont pas permis. Donc, R-Restricted, les parents qui étaient avec leurs enfants, les enfants pouvaient entrer. Ou superviseur. Ou un gardien légal ou un superviseur légal. Et voilà. Donc, tu vois, dans les cours d'histoire, c'est professeur. Tout à fait. Bien dit. J'aime ça quand tu me ramènes. Ça doit être pour ça, en fait. C'est parce qu'il doit y avoir beaucoup de professeurs qui voulaient le passer. Probablement. Et aussi, c'est pas tout le monde qui a des parents. Aussi. Fait que merci de me ramener. Ça fait plaisir. Si tu as, parlant de parents et de grands-parents, c'est drôle qu'on parle de famille, mais si tu as un grand-parent irlandais qui est né en Irlande, d'accord, il est né en Irlande, t'es éligible pour la citoyenneté irlandaise avec un frais à payer. Tu vas devoir payer un montant d'argent. T'as pas besoin d'être déjà allé en Irlande ou de même connaître l'Irlande pour appliquer. Donc, pour les non-européens, parce que l'Irlande est en Europe, pour les non-européens, ça veut dire que tu vas avoir un passeport qui te permet de travailler et de vivre n'importe où dans l'Union européenne si tu as un grand-parent irlandais, parce que quand t'es non-européen, tu as de la citoyenneté irlandaise, t'es donc un citoyen de l'Union européenne, donc tu peux travailler et vivre en Europe. Ah, mon Dieu, mais c'est dans belle fun pour eux. C'est pas pire, ça. Ouais. Pas pour nous, mais pour eux. Non, absolument pas. Jimmy Doyle, un boxeur qui est mort peu de temps après sa bataille, son combat avec Sugar Ray Robinson. excusez-moi, j'arrête pas de me trouver. Oui, je jouais ça. Bon, donc, a choisi de faire le combat pour acheter une maison à sa mère, d'accord? OK. Robinson a donné tout l'argent de ses 4 prochains combats à la mère de Doyle, Jimmy Doyle. Ouais. Pour acheter cette maison-là. OK. Elle a dépensé l'argent sur de la drogue et elle a essayé de poursuivre Robinson pour avoir plus d'argent. Mais non. C'est pas fin, ça? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ça t'apprendra de vouloir être gentil, Clément. En effet. En Allemagne, avant la guerre, c'était à la mode et c'était un symbole de statut social pour les jeunes hommes d'avoir une cicatrice sur leur joue gauche. Évidemment, ça fait référence au combat à l'épée. Donc, avoir une cicatrice sur la joue gauche, c'était comme si tu t'étais battu à l'épée. Et donc, tu avais un meilleur statut. Ah bon. Donner de l'argent ou promettre de l'argent aux gens qui sont devant un test de quotient intellectuel, ça va faire qu'ils vont avoir un meilleur score. 10$ était assez pour augmenter les scores de ceux qui prenaient le test par 20 points de quotient intellectuel. 10$ d'encouragement, 20 points de plus. Ben, c'est bien. C'est, pourquoi pas? C'est sous-loyer. Ouais, c'est ça. Les gens pourraient... tu sais, ça montre un peu comment, genre, c'est pas nécessairement un test que d'intelligence. Non, en effet. J'ai vu un article sur une fille de 11 ans qui avait eu un score, qui avait battu Albert Einstein cette ouais? semaine. C'était incroyable. Un combattant de la MMA, on revient aux batailles un petit peu. Le combattant, le batteur, le boxeur, comment on appelle ça dans la MMA? Le combattant. Bref. Matt Hamill a remarqué une voiture qui accélérait du mauvais côté de l'autoroute. Donc, il a fait tourner sa voiture de bord. Il l'a poursuivi. Il a forcé la voiture à quitter la route pour être dans un petit un petit endroit gazonné. Mm-hmm. Il a ensuite frappé dans la fenêtre pour ouais. l'arrêter, la voiture, ce qui a potentiellement sauvé l'enfant passager et la mère qui était complètement sous l'influence de l'alcool. Hmm. Ben, voyons donc. Un super héros, toi. Super! C'est fou. Est-ce qu'on s'entend? Puis une autre petite... Ben oui, vas-y. Allons-y avec... pendant la Deuxième Guerre mondiale, le lobbyiste pour Coca-Cola, Ben Ollert, a convaincu le gouvernement de permettre leurs produits d'être donnés aux troupes comme alternative à l'alcool pour être excusé des rations de sucre. À l'époque, le sucre était contingenté, rationné. Ce qui a potentiellement sauvé la compagnie qui aurait pu faire faillite si ça n'avait pas été de cette utilisation-là de leur Coca-Cola. En 2007, la Chine a testé un missile et a tiré sur un de ses propres satellites. Ça a accidentellement créé 2087 morceaux de débris spatial qui sont tous sur une orbite différente et des orbites folles. Maintenant, on est obligé de surveiller chacun de ces morceaux-là pour éviter les collisions spatiales. Ah ben mon Dieu. C'est récent, ça, c'est en 2007. Lorsqu'on entend une chanson et qu'elle se poigne dans notre tête alors qu'on performe des tâches ennuyantes qui n'ont pas besoin d'une grande charge cognitive, par exemple prendre notre douche ou s'habiller ou faire la vaisselle dans mon cas. Oui. Quand je fais la vaisselle, j'ai plein de chansons poignées dans la tête. Nos cerveaux utilisent ces chansons-là comme genre d'écran de veille pour nous divertir alors que notre cerveau est presque en train de rien faire. Quand t'es en train de faire une tâche qui n'a pas besoin de réfléchir, tu fais juste laver la vaisselle, te prendre ta douche, c'est redondant, répétitif. Ton cerveau fait ça comme un écran de veille. C'est cool pareil, hein? Oui, tout à fait. J'aurais aimé ça qu'on me dise qu'il y avait un mot pour ça. C'est vrai, hein? Mais non. C'est un article du Wall Street Journal qui est sur assemblagerequis.com. Évidemment, on appelle ça des vers d'oreilles souvent. Oui. Mais les scientifiques appellent ça des images musicales involontaires. Ah! Ah, je savais pas que c'est comme ça qu'on appelait ça. Ouais. Involontaire. On a parlé de jumeaux qui étaient nés à 2 années différentes la semaine passée, je crois, ou il y a 2 semaines, en tout cas depuis qu'on est revenu en onde en 2016. Sais-tu c'est quoi la plus longue distance, la plus longue durée entre la naissance de 2 jumeaux? Ben là, j'imagine que c'est 2 jours. C'est 87 jours. Hein? Maria Jones Elliott appelle ses enfants, évidemment. C'est un petit miracle! Ouais. Donc, pour les jumeaux Amy et Katie, ils sont nés à 87 jours de distance. Maria a commencé à coucher 4 mois trop tôt. Elle a donné naissance à Amy, mais Katie n'est pas arrivée avant 3 mois plus tard. Leur naissance incroyable deviendra donc un record Guinness pour le plus long intervalle entre 2 naissances de jumeaux. Le précédent record était de 84 jours. Mais ils sont jumeaux pareils! Ils sont jumeaux pareils parce que... Ça veut dire qu'ils ont été conçus en même temps? Ben, c'est ça. Mais elle les a pas, excusez-moi le terme, pondu en même temps. Ben, c'est ça, parce qu'en tant que tel, le fait d'être jumeau, c'est pas le jour que t'es né, c'est une question de d'œuf et de ouais. petits trucs. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça que tu Ah, ouais, hey, c'est. Tu vois comment? Je connais ça, la science, mais son affaire, d'œuf. Non, mais quand il y en a un, là, qui sort, le médecin, il demande pas à faire sortir l'autre en même temps? Ben, j'imagine que l'autre, si l'autre est prêt à rester à l'intérieur et d'arriver à bon moment, à bon terme, tu le laisses aller, non? Il était définitivement pas dans la même petite poche. Je vais pas le provoquer exactement, mais c'est des noms identiques, hein? T'as vu c'est que ça. C'était un gars puis une fille. Ah, ensuite, ben est-ce que j'avais de la difficulté à voir vu que les deux sont habillés en rose? Attends un petit peu, je vais juste m'en assurer à 2 secondes, pas dire n'importe quoi, tu sais comment je dis tout le temps n'importe quoi. Attends un peu, non c'est des filles, c'est deux filles, t'as raison, Amy okay. et Katie, je m'excuse. Je sais, quel parent. Je m'excuse, c'est ma faute. C'est correct. Donc, il y en a un qui a l'air d'un gars. C'était spécial un peu comme... Comme quand? Comme quand. Donc, un couple de personnes âgées. Hein? Oh mon Dieu, ça fait peur. Ce couple-là a modifié sa maison pour être une place où on peut sauver des chats. Donc, une place pour les chats. Mari et femme, Bob Walker et Francis Mooney, aiment tellement les chats qu'ils ont... les chats peuvent passer de pièce en pièce par des petits trous et des objets, des jouets, des petits ponts. Est-ce que t'as déjà vu le chat dans le chapeau? C'est-tu comme ça que ça s'appelait? Le conte de Dr. Seuss ou le film avec Will Ferrell? Le film avec... C'était pas un film de Tim Burton? T'as peu... Tu sais, le chat enlève 2 enfants, là, je pense. T'as un peu... Je pense qu'on se trompe de... Non, ouais, je trompe de film, je pense. Il me semble que tu te trompes. Mais c'est peut-être Dr. Seuss, mais joué par... son nom m'échappe. Mike Myers. C'est Mike Myers qui joue. Peut-être. Le rôle du chat dans le chapeau. C'est ça, le chat dans le chapeau, c'est là. Wow, c'est rempli d'idées. Tu trouves pas que ça ressemble à la maison? J'ai pas vu. Ah, t'as jamais vu le film? Tout ça pour ça, hein. Tout ça pour ça. 3 minutes de niaisage pour finalement dire que je l'ai pas vu le film. Mais c'est Mike Myers, puis cette chronique-là est remplie de fausses. Mais la maison a vraiment l'air d'une maison dans le chat dans le chapeau. Oui, une maison de dessin, mais c'est très coloré, très très fluo. Voilà. C'est, hein, ça le dit-tu? Ça lève le cœur. Il faut du pepto bismol quand t'en parles. Ouais, c'est ça. T'sais, va pas cogner là pour des bonbons à l'Halloween. Tu connais Frank Sinatra? Oui. Et son Rat Pack? Oui. Le Rat Pack est crédité, reçoit les remerciements d'avoir aidé à terminer la ségrégation, d'arrêter la ségrégation à Las Vegas en refusant de performer leur musique dans des endroits qui n'accueillaient pas les personnes de race noire. Mm. Voilà. Donc, une des histoires célèbres était que Sinatra refusait de performer au Sands Hotel, à moins que l'hôtel donne une chambre ou fournisse une chambre à Sammy Davis Jr. Donc, le groupe a fait d'autres demandes similaires à d'autres endroits, ce qui a forcé les propriétaires à changer leur politique. Ah ben... J.R.R. Tolkien... Lord of the Rings, Seigneur des Anneaux, a servi comme lieutenant lors de la Première Guerre mondiale. Il s'est battu dans la Battle of the Somme et on suggère que les horreurs de la torture, pardon, les horreurs de la guerre là-bas, c'est ce qui a, comment dire, inspiré. Voilà, Mordor dans Le Seigneur des Anneaux. Forte possibilité. J'avoue que bien souvent, c'est ce qui va arriver. Voilà. Je vais juste m'assurer d'avoir le son de celui-là pour finir avec ça. Ça serait mais très attends, là, J.R.R. Tolkien, ouais. là, pour avoir fait la Première Guerre mondiale, ouais. il a écrit The Lord of the Rings quand? OK, oui. C'est une très bonne question. Tu sais, comme... Il est pas décédé, J.R.R. Tolkien? Il est décédé à un moment donné. J'imagine qu'il avait écrit il y a très, très longtemps avant qu'on... J'imagine. Avant qu'on mette la main sur le script. Avant qu'on mette la main sur le script. Exactement. J'espère. J'ai pas le son pour le prochain, ça aurait été fun de finir avec ça. Mais savais-tu que certains oiseaux qui vivent en ville oui. hein, performent un genre de rap pour oiseaux? Hein? Alors que les oiseaux qui habitent à la campagne restent avec des sons plus traditionnels, selon une étude. Les chercheurs hollandais nous apprennent que certaines espèces urbaines d'oiseaux vont chanter de petites chansons, donc courtes et rapides, à la place de faire des mélodies plus lentes comme les oiseaux de campagne. Les oiseaux de la ville vont aussi chanter avec un pitch plus élevé, plus aigu, et vont essayer différents types de chansons. Les experts disent que les oiseaux de ville se sont adaptés pour contrer le bruit qu'il y a à l'arrière-plan dans les villes et augmenter leur chance de trouver un compagnon ou compagnonne. Ah, oh, ouais. C'est intéressant. C'est peut-être parce que la ville est stressante comparée à la campagne ça aussi. Doit être ça. Ça doit c'est être toutes ça. Les voitures, toutes les klaxons, toutes les petites bicyclettes. Faut passer par-dessus les petites bicyclettes. Oui, mais okay. Peut-être que les oiseaux, ils trippent pas plus, là. Non, c'est ça. Ils ont peur. ils doivent trouver le monde stressant à nous regarder. Sûrement, mais à la place, ils stressent encore plus les gens. En rappant. En rajoutant du son par-dessus. C'est ça. Et maudit. En faisant ça de façon très aiguë. Voilà, c'est tout pour cette offre. Les liens sur assemblagerequis.com. Au retour, Tania is gonna entertain ya. Merci. C'est bon, ça? Ouais, c'est bon. C'est excellent. Informations, visitez cifou.ca. L'Association générale des étudiants de l'UQTR collabore à la présentation d'Assemblage Requis. Vous êtes toujours à Assemblage Requis en ce lundi 18 janvier 2016, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, mais Mathieu Plante va prendre un petit peu le siège d'en arrière, le rond en arrière sur le poil. Oh, ouais. Parce que c'est ton moment à toi, Tania. Ooh. C'est Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. And she's gonna entertain ya. Salut Tania. Hey, bon matin. Hey, ho, ho, ho. Hey, hey, le lundi, on chante deux chansons de suite, ça n'a même pas d'allure. Hey, c'est fou, hein, on se peut plus. Incroyable. De quoi est-ce qu'on parle dans ta chronique variée aujourd'hui? On parle de super-héros, surtout. Oui. Tu sais, j'aime ça. Je pense que t'aimes ça aussi, on en parle souvent. J'aime bien. Je sais pas autant que d'autres, mais j'aime ouais, ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est mon petit côté geek, peut-être. J'ai été... J'ai grandi aux côtés d'un frère qui aimait beaucoup tout ce qui était Marvel, ouais. DC Comics. Donc, bien évidemment, j'ai connu un petit peu cet univers-là. Et aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup aux émissions qui créent autour de ces fameux personnages-là. Et j'ai découvert récemment la nouvelle. En fait, c'est peut-être moi qui est en retard, mais la fameuse série Jessica Jones... Ben, t'es pas si en retard que ça, c'était quoi, le mois passé? Ouais, c'est ça, novembre... c'est septembre 2015. Septembre, okay. Novembre 2015, non, t'avais raison. Yes. Novembre 2015. Donc, de ce côté-là, je me dis que je suis pas si pire. Je me suis donné quelques temps pour, en fait, pour le savoir. Deuxièmement, pour commencer à l'écouter. Je me suis donné un petit break, là, pendant le temps des fêtes. Faut bien. Parce que je me suis tapé toutes les Gotham pis Arrows. Chacun ses priorités. C'est ça, exactement. Donc, en fait, je dois avouer que hier, j'ai écouté les deux premiers épisodes de la saison 1 de Jessica Jones. Et là, j'ai pas fait de recherche avant d'écouter l'émission. Je savais que, bien évidemment, on parlait d'une ancienne super-héroïne qui était comme vaincue par la vie, qui avait des problèmes de vie assez grands. Mais je savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais. Et j'ai vraiment commencé le premier épisode en me disant « Je vais pas faire de recherche, je vais y aller comme... » Tu lances, ouais. C'est ça, comme si je l'attrapais à la télévision le premier soir que ça jouait, puis je vais me dire si j'aime ça ou si j'aime pas ça. La télévision virtuelle, c'est Netflix seulement. Ben oui, faut parce le dire. Que c'est ça, c'est Netflix seulement, Netflix américain et Netflix Canada. Mm-hmm. Je sais pas si ça va sortir à la télévision. Ah, d'après moi, non. D'après moi, ça va être sur DVD. Si quelqu'un c'est peut ça. Pas avoir Netflix, exact. Je sais que House of Cards, c'est ce qu'on fait, c'est sortir ouais. sur DVD ou Blu-ray. Ben d'après moi, ça va sortir aussi sur DVD parce que c'est quand même assez populaire. Ouais. Je dois vous avouer que le premier épisode est assez confus. À la fin du premier épisode, tu fais comme hein? Il te lance des affaires en face ou... Tu comprends pas trop ce qui se passe. Okay. Tu comprends pas nécessairement que c'est... Bien évidemment, je dis que j'ai pas fait de recherche. Donc, tu comprends pas trop c'est qui cette fameuse fille-là jusqu'à temps qu'elle lève une voiture. puis, tu sais pas trop ce qu'elle cherche en fait, ce qui s'est passé. C'est assez confus tout ça. Et dans le deuxième épisode, vraiment, on commence à mettre les cartes sur table, à savoir qui est qui comme personnage et qu'est-ce qui se passe avec cette fameuse Jessica Jones-là. J'imagine que ça se fait mieux, ce genre de choses-là, ouais. Sur Netflix, vu que les gens savent... Ben, en fait, Netflix sait que tu vas regarder la série d'un coup sec, probablement, mm-hmm. Proche de ça. Peut-être qu'ils peuvent faire ça plus facilement qu'à la télé. Mais j'ai comme l'impression aussi que les gens qui s'aventurent sur Netflix savent très bien dans quoi ils s'embarquent. Oui. C'est rare que tu vas aller sur Netflix puis tu vas faire « je vais écouter ça » sans savoir vraiment qu'est-ce que c'est. Ouais. Parce que bien évidemment, sur Netflix, tu fais une recherche pour trouver les émissions. Oui, s'ils ne sont pas en vedette en ce moment. C'est ouais. ça. Donc, j'ai comme l'impression que Netflix s'est dit « les gens vont savoir que c'est une héroïne de l'univers Marvel puis que ça va découler de ça. » Ouais. Bon. Bien évidemment, cette fameuse Jessica Jones-là, elle est apparue dans la série Alias il y a quelques années de cela. Et on retrouve cette fameuse Alias-là dans l'émission aujourd'hui en 2015 parce que c'est le nom de sa fameuse compagnie de détective privée. Okay. Et c'est comme ça qu'on commence à la connaître, en fait. C'est qu'on apprend que c'est une détective privée et qu'elle a plusieurs problèmes de vie, d'alcool et de... je voudrais dire de passé, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans son passé? Et c'est ce qui rend la chose un peu confuse dans l'épisode 1, c'est que tu comprends pas vraiment qu'est-ce qu'il en était, qu'est-ce qu'il en est, pourquoi est-ce qu'elle capote comme ça. Mais là, dans l'épisode 2, comme je le disais, les cartes se mettent vraiment sur table et tu commences à comprendre un petit peu plus ce qu'il en est. J'ai comme l'impression que ça va être l'intrigue de la saison au grand complet, à savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça et qu'est-ce qui va se passer avec les démons de son passé. L'émission, j'ai cherché, je ne crois pas qu'elle est offerte en français, même sur Netflix Canada, par contre. Je crois que c'est vraiment seulement offert en anglais. Je sais qu'elle a été traduite en France, donc peut-être Netflix France, je ne sais pas trop, mais en janvier 2016, peut-être qu'il y aurait des pourparlers d'une sortie française. Ça me surprend. Oui. Peut-être que ça va sortir en français en 2016, mais pour le moment, c'est vraiment juste en anglais. On est rendu en 2016, là, mais au courant de l'année. Ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je dis? Le personnage, ça a été créé par Brian Michael Bendis, qui est en rétro-continuité pour les besoins de la série Alias. Donc, à l'origine, la série prévoyait d'utiliser le personnage de Jessica Drew ou le personnage pour le projet Secret Invasion. Et c'en était en préparation et Jessica Drew y était une pièce essentielle. Donc, il fut donc décidé d'inventer le personnage et de lui créer un passé commun avec les Vengeurs. Et c'est comme ça que Jessica Jones est arrivée, l'espèce de super héroïne qui, dans l'émission, on voit un petit peu plus troublée. C'est joué par Kristen Ritter. Kristen Ritter qu'on a vu, mon Dieu, dans plusieurs émissions. Des émissions qui n'ont pas duré longtemps, mettons. C'est sa spécialité. Ça. C'est vrai, hein? On l'a vu dans Very Kind of Mars. Ouais. Breaking Bad. OK, bon. Don't Trust the Bee. Ouais, ça, c'était un rôle principal. Il faut faire la différence entre... elle a participé à Breaking Bad, genre. Ouais. Et elle a été la vedette d'une émission retirée des ondes après quelques semaines. Ouais, c'est qui ça. Qui Don't Trust the Bee. En effet. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. D'habitude, ça ne dure pas longtemps, ces affaires. Non, mais là, au moins, il y a 13 épisodes qui ont joué de la saison 1. Ouais. Et il devrait y avoir une saison 2 qui devrait arriver quand même assez rapidement pour 13 autres épisodes. Cool. Donc, on aime ça. Ouais. On aime ça. Je le disais, je suis rendue simplement au deuxième épisode. Je pense que j'ai eu la piqûre assez au deuxième épisode pour continuer la saison. Donc, on embarque quand même assez rapidement parce qu'il y a cette espèce d'intrigue-là à savoir qui est ce fameux Kilgrave-là, son démon du passé, à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Elle-même est, comme je disais, détective privée et on la voit faire des enquêtes sur certains personnages qui vont être assez des personnages clés tout au long de la saison, j'ai comme l'impression. Donc, cette espèce d'intrigue-là vient quand même nous titiller l'esprit pour qu'on reste assez alerte tout au long de la saison. Et j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer, si on va être capable de garder cette espèce d'intrigue-là pendant 13 épisodes. Oui, c'est court, 13 épisodes, mais quand tu y penses, c'est quand même assez long. Ouais. Ouais, non, c'est mais des 45 minutes, donc bien souvent, j'ai hâte de voir. On en reparlera lorsque j'aurai terminé la saison. Jessica Jones. Parlant de Netflix, je suis en train de me rattraper sur Full House avant que la nouvelle saison commence sur Netflix à la fin du mois de février. Je suis rendu à la fin de la saison 1. Ce qui m'énerve, je sais pas si ça te fait ça, toi, quand t'écoutes certaines séries, ils ont mis des marqueurs après le générique d'ouverture. Oui. Et puis souvent, genre, quand l'épisode termine, l'autre commence pas au début, il commence après le générique d'ouverture. Oui. ça m'énerve. Je suis obligé, à la place de laisser continuer, je suis obligé de faire revenir au menu et cliquer sur le prochain épisode comme si je joue au complet. C'est parce que des fois, il y a une scène avant le générique d'ouverture, surtout dans les sitcoms que j'écoute, il y a toujours une scène avant le générique. Fait que saute pas le générique, tu me fais sauter l'ouverture. Ben, je pense que c'est pour ça, en fait, que la durée est un petit peu plus longue pour Jessica Jones. C'est autour de 50 à 54 minutes. Okay. Donc, je pense en fait que ça joue un petit peu là-dessus. Là. T'as comme un 5 minutes qui est justement, comme tu dis. Ouais. Ce que je trouve drôle sur les séries de Netflix, c'est qu'il y a jamais, en tout cas, ce que j'ai vu, vous me corrigerez parce que j'ai tout le temps, mais il y a rarement de précédemment dans l'émission. Ils ont pas besoin c'est de vrai, te résumer l'épisode d'avant parce que tu viens de le voir. Souvent. C'est vrai, c'est pas comme à souvent télé où t'as une semaine de délai. T'sais. Ouais, je suis d'accord. Spécial, quoi. Bref. En effet. Hey, c'est cool. La deuxième série dont je veux vous parler, en fait, je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est la série Gotham. Oui. Qui relate la création, je voudrais dire même la venue des fameux méchants que l'on connaît dans les séries Batman. Mm-hmm. Et aussi l'espèce d'histoire autour de ce fameux Bruce Wayne-là. Et la série 1, bien, je l'ai terminée. Je débute la saison 2. Et c'est pourquoi je voulais vous en parler, en fait, parce qu'on a mis en place beaucoup, beaucoup de personnages durant la saison 1. On en a perdu aussi. On a perdu quand même un personnage qui était assez important dans la saison 1, qui était Fish. Elle n'est pas de retour dans la saison 2 parce qu'en fait... Tu dis ça de même ouais, dans la radio. Ouais, Tu viens déjà de voler le punch. Je dis pas pourquoi elle revient pas. Mais... Je ne dis pas pourquoi elle ne revient pas. C'est pas ça le spoiler. Ouais, le spoiler, c'est de dire qu'elle est mort. J'ai rien dit! Le spoiler, c'est pas de dire pourquoi qu'elle est mort. Mais elle revient pas dans saison 2. Elle est peut-être partie en voyage à Cuba. Ben, Non, mais elle a peut-être été contrainte d'abandonner Gotham. Sais-tu, moi? Ben, c'est ça, là. Le spoiler, c'est de dire qu'elle revient pas. C'est toi le problème, pas moi. Essaye pas de me renvoyer le blanc. Bon, ah. D'accord, c'est monsieur. Je maintiens mon point et tout le monde à la maison est d'accord. C'est de ma faute. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Je suis désolée. En fait, le pilote de la saison 1 avait quand même été vu par 8,21 millions de téléspectateurs aux États-Unis. Ouais. Et quand même, au Canada, ça l'avait apporté 2,5 millions de téléspectateurs sur CTV le premier soir que ça l'a sorti. Donc, on voit quand même que les gens avaient une espèce d'engouement face à cette série-là. Et je dois avouer que je suis fortement en accord avec le choix des acteurs. Ouais. Que ce soit Ben McKenzie qui joue l'inspecteur Gordon, très bon jeu, très bel acteur aussi, là, ça aide. Ouais. Mais je dois aussi parler des plus jeunes, dont celui qui joue le rôle de Bruce Wayne, David Mazis, qui en est simplement à quelques apparitions à la télévision. Il est excellent dans son rôle. À la fin de la saison 1, on commence à le voir de plus souvent parce qu'en fait, bien évidemment, il est jeune. Il joue un jeune de 13-14 ans. Mmh. Donc, on le voit pas nécessairement dans tous les épisodes dans la saison 1. Mais là, dans la saison 2, on voit qu'il prend de plus en plus de place. Et c'est ce que j'aime parce qu'en fait, Gotham, c'est veut pas, ça tourne autour de Batman. Oui. Et qui est Batman? Bien, c'est Bruce Wayne. Et là, je vais pas spoiler absolument rien. Mais... Si vous êtes du genre à vouloir savoir comment est né Batman, pourquoi est-ce que c'est venu ce fameux devoir-là, eh bien, regardez la saison 1 et commencez la saison 2 le plus rapidement possible. Parce que là, c'est là que ça commence à jouer, c'est là que ça commence à se voir. Et il y a aussi cette fameuse actrice qui est Cameron Bikondova qui joue la jeune femme chat. C'est bien évidemment, on commence à réaliser durant la saison 1 que ça va être elle qui va devenir femme chat un jour parce qu'elle s'est fait appeler Kat, mais en fait, son nom c'est Selina Kyle dans la série Gotham. Je dois donner, je sais pas c'est qui l'a choisi, je sais pas c'est qui l'a trouvé, mais personnellement, je trouve qu'elle ressemble à Michelle Pfeiffer qui avait joué la femme chat, je pense que c'est en 92, si je me souviens bien, dans un des Batman. Je trouve qu'il y a une ressemblance. J'aime ta prononciation de Batman. Ouais, c'est ça, Batman. L'homme. Mais je trouve qu'il y a une ressemblance assez flagrante. Donc, est-ce que c'est ce personnage-là qu'on a voulu aller rechercher de ce côté-là? Même si vous googlez la fille, vous allez voir, moi, je trouve qu'elle a une ressemblance assez, assez prononcée avec Michelle Pfeiffer qui avait joué la femme chat dans Batman en 92. Je suis encore en train de broyer un peu de sa blague. Oui, je sais, c'est pour ça que... Je suis en train de le noter comme titre d'épisode, déjà. Puis il est juste 8h30. Il est juste 8h30. C'est quoi l'affaire? Hey, La série Gotham a été écrite par Bruno Heller, qui on a vu créer en fait la série télévisée Rome et la série télévisée aussi The Mentalist. Ouais. Donc, très beau travail. C'est lui qui aussi, comment je pourrais dire, participe à l'écriture de certains épisodes. Donc, je trouve ça quand même assez cool. Gotham saison 2, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, je vous disais que la saison 1 est terminée. Ouais. La saison 2 a commencé. Par contre, du côté français à la télévision, c'est encore simplement la saison 1. Donc, si on termine la saison 1, j'imagine que la saison 2 va commencer parce qu'il y a eu quand même une longue pause entre la première partie de la saison 2 et la deuxième partie de la saison 2 en anglais. Donc, peut-être que la première partie de la saison 2 va sortir en français plus rapidement. On se croise les doigts pour les gens qui n'écoutent pas nécessairement la télévision en anglais. On va voir de nouveaux méchants que l'on connaît arriver, dont Mr. Freeze. Pas joué par Arnold, ce coup-là. Non. Pas joué par le même. Ça serait un... Attends, j'avais le nom. Mais c'est quelqu'un qui joue dans House of Cards, si je me souviens bien. Qui va jouer le rôle de Mr. Freeze. Il y a aussi... Là, je recherche en même temps, mais The Riddle, en français, j'ai comme... C'est énigme, mais... Le Sphinx, il me semble. Ouais, en français. Ouais. Je dois avouer que la traduction des personnages en français, d'anglais en français, est pas vraiment superbe. Ah non? J'ai fait quelques recherches hier et... tu sais, comme Barbara, là, pourquoi t'irais l'appeler Héloïse? Mais peut-être que dans les bandes dessinées, ça s'appelait comme ça. Peut-être qu'ils sont en allés français, à la source, je sais pas. Mais en anglais, ça s'appelait vraiment Barbara, tu sais. Ouais. Mais sûrement qu'ils prennent les noms qui, historiquement, ont été utilisés comme ça. C'est comme quand un film sort basé sur un livre, ils vont prendre le titre du livre et non pas une traduction littérale du film. J'suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas le choix, c'est historiquement le titre qu'on lui a donné en français. C'est même vrai. Si c'est mauvais. C'est vrai. Ouais. Tout ça m'a amené à me demander... Quel style de film de super-héros on doit s'attendre en 2016? Quels sont les films qu'on attend? Bien évidemment, il y a Batman versus Superman qui devrait sortir en mars 2016. Il y a Captain America qui va sortir en mai. X-Men Apocalypse. Il y a combien d'X-Men? Ils sont rendus à combien? Comme 8? Ouais. Sérieusement. Il y a des spin-offs en plus, les Wolverine, tu vois. Mais... Faut dire, ils sont tous tournés à Montréal, donc... Ah, bon, ça fait de la job pour nous. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Ça coûte moins cher de production. Ben oui, aussi. Il y a Suicide Squad qui va sortir en août 2016. Il y a aussi des films qui vont sortir en 2017, mais je veux simplement les mentionner parce que c'est des films que je crois qu'on va attendre assez longtemps, mais qu'on va être content de voir, dont le dernier film de Wolverine... Parce que Hugh Jackman a dit que ça allait être le dernier film qu'il ferait en tant que Wolverine. Mm-hmm. Et ça, c'est en 2017, en mars 2017. Il y a aussi Wonder Woman. Il va y avoir le film Wonder Woman qui va sortir en 2017, mais sa première apparition, et là, ça va être la même actrice, sa première apparition va être dans Batman versus Superman. Il prépare le terrain. C'est ça, qui sort en mars cette année. Et il y a plusieurs personnages que l'on va voir dans Batman versus Superman qui vont se voir remettre leur propre film en 2017. C'est ça, c'est pas s'ils ont du succès, c'est on prévoit faire un film. Exactement. Aimez ça, s'il vous plaît. C'est ça, aimez ça, puis vous en aurez d'autres par la suite. Tu sais, dans le temps, la formule, c'était genre que quelqu'un qui était populaire dans un film, dans une série télé, plus tard, peut-être que tu pouvais leur donner leur propre produit. Oui, c'est ça. Mais là, c'est déjà prévu d'avance, ils ont déjà signé. Là. Exactement, la date de sortie est déjà prévue. T'imagines? J'aime pas bien cette technique, là. On dirait que... C'est forcer aux gens, je trouve. Ben forcer aux gens où tu t'attends à ce que quelqu'un, un moment donné, lève la main et dise « On peut-tu avoir un film d'eux? » Ouais. Ils prévoient. Ouais. On sait pas. J'ai hâte de voir, par exemple. Ben, c'est sûr. Est-ce qu'elle a simplement 30 secondes dans le film Batman versus Superman, puis là, elle se ramasse avec un film d'1 heure et demie? Ça doit pas être grand-chose, parce qu'en tant que telle, l'histoire, c'est Batman contre Superman. Oui, tu mais c'est Superwoman. Ouais. Elle doit... Wonder Woman, c'est pas... Attends un peu, là. T'as parlé de Wonder Woman ou de Superwoman? Oui, Wonder Woman. OK. Wonder Woman, c'est pas Superwoman. Oui, Wonder Woman, pardon. Oui, t'as raison. C'est ça. Non, mais Supergirl, je suis pas... Supergirl, la série sur CBS, tu écoutes? Je l'ai pas encore écouté. Faudrait que t'écoutes ça, c'est ouais, bon. Oui, c'est vrai. Ça a l'air bon, ça. Mais j'imagine qu'elle embrasse un des deux à un moment donné dans le film, puis là, ça fait en sorte qu'elle a son propre film en 2017. Peut-être. Wonder Woman. Oui, Wonder Woman. C'est pour ça qu'ils ont donné un film. C'est comme l'épisode 1 de Jessica Jones. Ben oui, c'est confus. Très confus. Mais tout ça pour dire que... Tu t'es-tu déjà posé la question? quels seraient tes pouvoirs si tu avais à être un super-héros? On en avait déjà parlé avec Fred, hein? Ouais, je me rappelle pas ce que j'avais répondu à ce moment-là. J'imagine que je devais avoir dit, genre... sûrement, genre, l'invisibilité pour espérer oui, le monde. Oui, quelque chose comme ça, c'est oui, vrai. C'est drôle, ça. Je pense que tu avais répondu ça. Mais je pense qu'en fait, on a tous, à quelque part, déjà souhaité être un super-héros. Ouais. Veux, veux pas. Qu'on soit petit, qu'on soit plus vieux, qu'on soit... personne âgée, je pense que... qu'on soit personne âgée. Mais non, mais oui, ils ont déjà passé, ils ont aussi leur... Tu fais des inclures. Non, mais rendu à 75 ans, tu dois vouloir devenir un super-héros c'est aussi, sûr. Là, veux, veux pas. C'est ça, dans ta deuxième vie. C'est ça. C'est ça. Puis c'est ce qui m'amène, en fait... à la fameuse pièce musicale que je vais te présenter pour ma chronique aujourd'hui. Je me demandais vraiment où tu t'en allais. J'en doute même pas. Parce qu'en fait, c'est une pièce qui a été créée pour l'univers Marvel. C'est de Tim McMorris et c'est la pièce Superhero. I want to leap over buildings, want to fly over the shores, save the people from the villains, catch the crooks who rob the stores, write my name upon the sky, and when you call me, I'll be there, faster than a lightning flash. Rushing through the cool night air. Oh, oh, so start ignition, count to zero. I just wanna be a superhero. Thoughts, emotions swirl. I wanna be the man that saves the world. Yeah. The world is full of super problems, so we made up a Superman, but he is just imaginary. And here we stand without a plan, with new ideas and innovation. Man still cannot tame creation. And though I'm told I'll never fly, that doesn't mean that I won't try. Start ignition, count to zero. I just wanna be a superhero. Oh, oh, oh, oh, oh. With fearless thoughts, emotions swirl. I wanna be the man that saves the world. Superhero de Tim McMorris. J'aime ça comme chanson. Oui, c'est cool. Ça fait super-héros. Absolument. C'est pas la chanson thème de quelque chose, c'est ça que t'as dit tantôt? Bien, en fait, c'est, il a vraiment écrit la chanson pour l'univers Marvel. Donc, okay, lui, en fait, son vidéoclip et vraiment tous les super-héros qui sortent de Marvel. Génial. Merci, Tania. Ouais, ça fait plaisir, Mathieu. On fait ta chronique Tania, Gagnon de Tania, les jours de semaine à Assemblage Rue. Oui. On prend une pause et au retour, c'est Samuel Girard avec sa chronique qui a toujours pas de nom.

J'étais pas là rien qu'un peu. Bon retour à Assemblage Requis en ce lundi 18 janvier 2016. Tania Beaudin est partie, puis elle va arriver en courant. Allô, allô, allô! Allô, allô, on allô! On s'est-tu fait prendre par surprise par ce bloc pub-là? Je pense que oui. On est parti sur une chire avec Samuel Chirard. C'est pour ça! C'est pour ça! Faut pas que je commence à l'appeler comme ça, par contre. Non, non, non. Mais ça, c'est un petit peu déplacé comme nom. Ah oui. On a Marie-Christine Perra qui est avec nous, de retour après un bon mois et demi, je pense, d'absence. Ça va être le moment de se remettre en bouche un peu comme un bon vin. On va se gargariser de Marie-Christine Perra. Avec du fromage. C'est ça, voici gratin et vin gratuit. Raisin en grappe, fromage brie, des galeries d'art, elle se nourrit d'art d'œuvre, de photographie, d'art visuel en tréfluvie. Voici gratin et vin gratuit. C'est gratin et vin gratuit avec Marie-Christine Perra. Bonjour à toi. Bonjour à vous deux. Ça va? Oui, ça va bien. T'as-tu envie des choses depuis les derniers mois quand même? Ouais, passé de belles fêtes. Oui, ben oui, je me suis beaucoup relaxée. Vraiment, là, j'ai pris le temps de rester au lit très longtemps. Ah. Cool. T'es restée au lit, t'as dormi beaucoup? Oui, oui, j'ai, ben, peut-être pas dormi, mais j'ai flâné énormément. Ben, ouais, ça m'a fait beaucoup de bien, voyons, me sens. Ouais, excuse-moi, c'est j'essayais de nous trouver une chanson de fond, mais c'est un petit peu fucké, je trouve. Bon. Donc oui, puis ça fait longtemps que je n'étais pas venue, parce que la dernière fois, j'avais eu le théâtre de Minot. Mm-hmm. Puis ça, ben c'est incroyable comme journée, soirée, ben fin de semaine entière, mais j'aurais dû prévoir que je me coucherais très tard. Ah ouais. J'ai écrit à Mathieu, je pense, à 2h30 le matin, j'ai dit « là, je me couche », fait que… je sais pas encore. Ouais. C'est ça. Ben le pire, c'est que je me suis réveillée, j'aurais pu être ici à l'heure, mais je pense que j'aurais eu une voix comme ça. Non, des fois, faut quand même se permettre un petit… ouais, c'est ça, un petit congé. Un petit congé, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, ben là, j'ai vu quelques petits trucs pendant le temps des fêtes, mais pas tant que ça. Il y a une chose que j'ai manqué. Je suis très déçue. Il y avait, c'est une belle initiative, ça, de la Société de transport de Trois-Rivières. Il y a deux artistes, de, je pense qu'ils sont membres de Presse-Papier, ont affiché des œuvres dans les autobus. Oui! Oh! Dans le parcours numéro 2 et numéro 3. Mais moi, j'avais lu que c'était jusqu'au mois de mars. Fait que j'étais toute excitée. J'étais allée hier. Je disais, mm-hmm. je vais aller faire le bus avec les filles puis tout ça. Puis finalement, le chauffeur m'a dit « Non, ils les ont enlevés, là. Ah. » Parce que ça remplaçait, il faut le dire, ça remplaçait des panneaux publicitaires. Oui. Donc, c'est sûr que c'était temporaire, sûrement dans les, d'après moi, période creuse publicitaire de la CTR. Oui. Il y a tout un tas de raisons derrière tout. Sûrement le mois mort où ils vendent pas de pub, ils ont de la misère. Ils ont remplacé ça par des œuvres. Exactement. C'était cool, par contre. C'était le fun. T'es vu, toi? Oui, je les ai vus. C'est super beau. Hein, c'est le fun. Il y avait le petit crédit. Je trouvais pas que c'était très... Je trouvais que ça avait pas l'air... C'était comme... On savait pas, finalement. Ben, pas qu'on sait. Ouais, genre. Genre, c'était pas évident. C'était pas clair. C'était pas. Ben, mettons, si t'as vu les publicités sur les côtés extérieurs de l'autobus, tu voyais que ça existait, mais une fois dans l'autobus, ça passait inaperçu. OK, à l'extérieur des bus, il disait à l'intérieur, il y aura. Ça disait pas nécessairement à l'intérieur de cet autobus-là, mais il me semble que ça disait à l'intérieur de certains autobus de la CTR. Je pense pas que le bus qui avait l'art à l'intérieur avait la publicité à son extérieur de bus. OK, bon, fait que ça peut-être. Il y a eu un problème de diffusion, peut-être. Je pense que oui. De compréhension, mais je suis déçue, j'aurais aimé ça, voir aussi qu'est-ce que ça fait, parce que dans les bus, c'est ça, c'est des pubs poches. Là, oui, il est même pubs depuis 15 ans. Exactement. Je me dis, c'est tellement une bonne idée de mettre l'art comme ça dans le quotidien. Oui. Mais ben là, je les ai manqués. Coudonc, mais c'est toi, tu dis qu'elles étaient belles. Oui, c'était bien. C'était coloré, des formes un petit peu. En tout cas, moi, celles que j'ai vues, c'était des formes un petit peu hétéroclites, colorées, rose, bleu, vert, jaune, des trucs comme ça. Bon. Je sais pas si c'était des tubes ou des cases, je sais pas. Tu sais, c'est vague dans ma tête, tu vois. J'ai pourtant regardé, je me suis dit, ah, c'est vrai, il y avait ça dans l'autobus. Mais là, je pourrais même pas t'en décrire. Ouais, mais là, tu vas devenir de plus en plus sensible aux œuvres d'art. Je sais. Et au vin et au fromage. Surtout. Donc, moi, je me suis promenée un petit peu dans certains endroits classiques. Le Zénobe, j'étais allée à l'Embuscade aussi, puis au Café Frida. Donc, j'étais allée aussi à la Galerie Artois, où il y avait une exposition très, très surprenante, mais elle est déjà terminée, fait que j'en parlerai pas. C'est donc, ça de ne pas être venue pendant un bout de temps. Ouais, non, mais c'était vendredi dernier. C'était une semaine. OK, ah, c'est pas long, ça. C'est pas non, long. Non, c'est ça. C'était comme une exposition de tampons. Il n'y avait comme rien à mettre dans la galerie au retour des fêtes. Ils ont mis ça. C'était la une exposition. Période creuse comme la CTR. Voilà, c'est la ça, pareil. Exactement. Ouais. Puis c'était une exposition qui avait été en Chine d'abord. Puis c'est des artistes d'ici, des profs de l'université, puis des artistes de la région aussi. Donc, ils ont exposé à la galerie en attendant, finalement. Ouais. Mais là, il y a un vernissage mercredi pour une exposition qui va durer à peu près un mois. Ils exposent à peu près un mois par endroit. Donc, je suis allée faire un petit tour au Zénobe. c'est une exposition assez simple. Là. C'est un peintre animalier. Ah. Donc, il peint... des animaux. Oui. C'est pas lui-même un animal. Non, ben à moi qui se... Je sais pas, là, qui a une... Peut-être qu'il miaule une fois de temps en temps. Ouais, mais... peut-être. Ouais. On je pense que t'es pas dit qu'il peignait avec sa queue. Je te surveillais, je faisais attention. J'étais comme, attention. Attention à ce que tu dis. Moi, je comprends. Moi, ça m'est jamais passé en tête, sérieux, ce cas-là, mais... Bon, en tout cas, fallait être là pour comprendre, j'imagine. Un animal qui non, c'est le genre de cas à Mathieu, ça. OK. Bon, alors, ces animaux-là ne font aucun son. Elle a trop de classe pour comprendre, mes gars. Ces animaux-là ne font aucun son. Ben non, parce qu'ils sont peints. Donc, ah, c'est pas des animaux, c'est une représentation d'un animal. Donc, il n'y a pas de son qui vient avec. Donc, c'est l'artiste Michel Godin qui fait ses peintures animalières. Tu sais, c'est très classique. Là. Ça m'avait l'air d'être sur des panneaux de bois avec des chouettes, Martin Pêcheur, Pic-Bois là, avec la capine rouge, oui. Des canards, des aigles. C'est bien exécuté. On voit, il y a beaucoup de textures. Tu sais, on reconnaît bien le plumage. C'est très bien fait, mais c'est pas hyper réaliste. Là. Quand on arrive là, tu sais, on n'a pas l'impression d'être face à une photographie, mais c'est très réaliste. Mais des fois, c'est un petit peu stylisé quand même. Mais tu sais, c'est très bien. Pas grand-chose à dire là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à déchiffrer dans tout ouais, ça. Puis il n'y a pas de grande lecture à faire à part, ce sont de belles toiles, c'est réussi. Et pourquoi pas faire de la peinture animalière. Mais tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des encans silencieux des fois. Là, c'est bon, mais ça, c'est hyper réaliste. Là, on voit, là, c'est vraiment... Souvent des canards. Oui, mais c'est ça. C'est vrai. Ou un chevreuil, ou je sais pas trop. Mais lui, c'est pas dans le même registre. Puis souvent, l'arrière-plan, on le voit pas beaucoup. Mais j'ai l'impression que c'est tiré de photographies qu'il aurait prises. Mais l'arrière-plan, des fois, il est très coloré. Des fois, il est très sombre. Mais tu sais, c'est comme si c'était un gros plan de l'animal. Fait qu'on voit pas trop qu'est-ce qu'il y a derrière. Sauf une en particulier, c'est le Martin Pêcheur qui plonge directement pour chercher son poisson. Là, on voit bien qu'il est dans l'eau, finalement. Puis ça, c'est beau, ça, l'oiseau comme ça en mouvement. Parce qu'il y en a en mouvement, les ailes déployées, puis il y en a d'autres qui sont juste là, comme les chouettes. Là. C'est une espèce de buste de la chouette. Donc, tu sais, pourquoi pas aller faire un petit tour? C'est très simple. Il n'y a rien à... Il n'y a pas de surprise, mais il n'y a pas de déception non plus. C'est ça. Tu peux pas dire rire. Ouais, ça ressemble pas trop à une chouette. Ouais, c'est ça. Non, c'est très efficace. Vous puis, en parlerez pas si c'était rire, hein? Bah, ouais, on pourrait putain. Des fois, mais bon, c'est vrai que je suis une femme très sympathique. C'est bon, là, je vais tourner mon petit papier de bord. Parce que oui, je prends des notes. Oui, sur des lignes, sur des feuilles lignées. Ouais, oh, c'est ça. Des quadrillés en plus. Ouais, puis là, des fois, il y a des listes d'épicerie à travers ça. Là. Fait que là, je suis comme un peu mêlée. Imagine, c'est comme moi et ton fond, mais tu vois, je l'ai retrouvé. Fait, ouais, on finit tous ça. Par se retrouver. Non, parce que je suis allée aussi à l'embuscade. Ça, c'était une exposition de... En fait, ça s'appelle Plan B, parce que c'était vraiment le plan B de l'embuscade, parce qu'il était supposé d'avoir une exposition pendant les fêtes, au retour des fêtes, puis l'artiste a annulé à la dernière minute. Donc, ils ont fait appel à Nancy Moffat, qui est une artiste... On cherche. Il reste plus grand page. C'est ici, voilà. C'était l'autre côté. Il est en verso des fois. Hein. Ouais. C'est, oui. C'est... Fait qu'ils ont... ils ont fait appel à Nancy Moffat. J'avais parlé d'elle à ma première chronique, il me semble, qui avait exposé au Zénum. Elle faisait des corps très musclés, un peu bestiaux. Vous en souvenez? Donc, c'est elle, Nancy Moffat, qui est une belle grande dame à la chevelure un peu Isabelle Boulienne. Boulienne. Ah, okay. Mais, c'est l'adjectif de Boulet. Boulet. Pourquoi pas? Boulienne. Non, c'est une belle femme, là, très... Là, expressive. Ouais, expressive, puis très sympathique. Okay. Donc, ils ont fait appel à cette artiste de la région, puis elle a fait appel à 12 de ses collègues artistes qu'elle aimait particulièrement, qu'elle connaissait, qu'elle aimait, pour faire une exposition Plan B. Donc, c'est toutes sortes de choses. Il n'y a pas de fil conducteur. C'est vraiment, j'appelle ceux que j'admire, ceux que j'aime, puis offrez-moi une de vos créations, puis on va pouvoir exposer ça. Puis c'est pas des créations originales faites juste pour l'exposition. Là. C'est vraiment un plan B, finalement. Oui, okay. Ce qu'il voulait proposer. Ça peut être quelque chose qui a déjà été proposé ailleurs. Oui, c'est ça. Oui, moi ce que tu veux me shipper. C'est ça. C'est exactement. Comme, comment t'appelles ça, là? Tu sais, là, tout le monde aperçoit un potluck. Un potluck, exactement. Voilà. Ça fait tellement temps des fêtes. Là. Fait que c'est des restants de potluck, finalement. C'est ça. Mais c'est très bon, quand même. C'est juste qu'il n'y a pas de fil conducteur. Puis bon... Mais ils ont dû travailler quand même pour placer des œuvres qui pouvaient aller ensemble l'un à côté de l'autre. Donc, ça donne quelque chose de très, très hétéroclite, là. Vraiment, là. Éclectique, même, on peut ajouter ce mot. Puis, t'as tellement de vocabulaire. Moi, c'est fou. Donc, il y a de la peinture, il y a de la photo, il y a de l'abstraction. Il y a de l'abstraction vraiment, tu sais, abstraite, style automatiste, dripping un peu. Okay. Et il y a de l'abstraction aussi... plus contrôlé. Il y a vraiment tous les genres. Donc, moi, j'ai retenu certaines personnes. Puis, je pense qu'il y en a que c'était leur première exposition, d'ailleurs. Donc, je crois, je vais m'avancer pour dire ça, Ulysse Gélina Roy, qui est le fils de Marie-Josée Roy, qui, elle, est une artiste très établie là, ici dans la région et qui a exposé là, à Boston, à New York, en France, à Toronto, un peu partout, qui fait de la sculpture vraiment magnifique, cette femme-là. Des personnages longilignes, un petit peu... texturé avec le métal, c'est vraiment très beau qu'est-ce qu'elle fait. Puis lui, je crois, c'est son fils, puis il commence finalement. Donc, il a offert une toile qui s'appelle Fleur de peau, puis c'est un visage tout rouge avec des yeux turquoise qui coulent un peu. Tu sais, des fois, c'est comme les yeux qui pleurent de sang, mais là, c'est comme le contraire. T'sais, c'est le visage qui est rouge, fait qu'il a l'air vraiment en fleur de peau, le pauvre homme. Ouais, c'est ça. Fait que lui, ça lui a donné une chance d'exposer, ce petit garçon-là. Ben petit, je sais pas, mais... puis il y a des photos aussi d'Annie Leblanc puis Jean Chamberlain, qui sont deux photographes assez réputés ici à Trois-Rivières. Moi, je l'appelle Jean Berland. Jean Berland. À la place de la plus Jean Chamberlain. Jean Chamberlain. Petit gaspillage de syllabes. Ouais, c'est vrai. Jean Berland. Jean Berland, c'est vrai. Puis lui, ben, c'est un pilier du Zénobe. Je pense que s'il irait plus au Zénobe, le Zénobe s'écroulerait, pour vrai. Je pense qu'il est toujours là à chaque jour. C'est lui le poteau devant le spectacle à chaque fois qu'on va le voir. C'est ça. Non, il est fort sympathique. C'est Jean Chamberlain qui fait des photographies magnifiques. Moi, je suis amie Facebook avec Jean Chamberlain. Puis fait que je peux voir souvent des photographies. Lui, il fait que ça dans sa vie. Là. Il se lève à des heures... particulière pour pouvoir avoir la lumière comme il veut. Fait que là, en pleine nuit, souvent, il va aller prendre des photos à l'orée du jour. Mm-hmm. Tu sais, il est vraiment près de sa lumière. Donc, il fait des photos magnifiques. Lui, il expose une de ces photos-là. Il y a une peinture qui a retenu particulièrement mon attention. C'est Patricia Kramer qui a fait Trimar. Savez-vous ce que c'est, Trimar? Non. Non. C'est un mot vieilli en argot. Ça veut dire une route, un chemin. Ah. Puis ça, c'est une peinture abstraite, mais... On peut voir des choses dans ça. C'est très beau, là, puis il y a une espèce de... Tu sais, on voit ses gestes, puis l'accumulation de ses gestes. Il y a de la texture aussi dans la peinture. Excusez-moi. Puis il y a une espèce de... Ça fait comme une spirale, tu sais. On est attiré, l'œil est attiré par une espèce de trait en rond qu'il y a en haut de la toile, puis après ça, on va vers le milieu. Fait que notre œil bouge, il y a du mouvement dans cette toile-là. Puis moi, je voyais une espèce de paysage un peu terni, ça ressemblait quasiment à la centrale nucléaire. Il y a une espèce d'usine, je ne sais pas trop, rouge. Pis, en tout cas, ça a l'air d'un paysage qui est sali par l'industrie, je ne sais pas trop quoi. Là, mais en tout cas, c'est... Selon ton interprétation, ta vision de la chose. Oui, tout à fait, parce que ça s'appelle chemin, en fait, sa toile. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle, elle a fait. C'est abstrait, mais je ne sais pas, on peut voir ça un petit peu, j'ai l'impression. Une espèce de cours d'eau sali, là, en tout cas. Mais ça, c'était vraiment très beau. Donc, Patricia Kramer, que je ne connaissais pas, qui m'a bien surprise. Donc, écoute, Mathieu, j'enverrai la chanson tout de suite parce que déjà, ça va vite. Puis j'ai une autre exposition que j'aimerais vous parler. Puis c'est une chanson qui s'appelle Renaissance Men, qui est en fait sur la toune Blister in the Sun là, de Violent Femme. Ça a été repris, c'est une chanson, donc c'est la musique, mais c'est les paroles. Ça parle des hommes de la Renaissance parce qu'après, je vais vous en parler un petit peu de la Renaissance. À l'assemblage requis. Supper, the Mona Lisa, building wings to fly. Renaissance man. Chante. Oui, c'est ça. Allez voir la vidéo, je l'ai postée sur assemblagerequis.com et sur la page Facebook. Ça mérite d'être vu en vidéo autant qu'entendu. Ah, ben là, je suis contente, j'ai fait un bon coup. Absolument. Donc, c'était Renaissance Man de quoi? History Teacher de, ouais, sur YouTube. Là. Donc, ben oui, parce que justement, c'est la Mona Lisa, donc la Joconde, hein, c'est un lien parfait avec ce que je vais vous parler. Je suis allée voir l'exposition de Cathy Bélanger au Café Frida. Mm-hmm. Puis elle, ben, y a deux volets à son exposition. La première, c'est elle reprend des toiles de l'histoire de l'art, donc de la Renaissance, de Raphaël, de Caravage et de Da Vinci. Donc, il y a la Joconde qui est repeinte. T'sais, toutes les toiles, on les reconnaît là, vraiment. Mm-hmm. T'sais, elle a un coup de pinceau, vraiment une technique là, impeccable. Mais il y a quand même une petite touche personnelle parce que les visages, les formes sont un petit peu plus arrondies que... Ouais. T'sais, on reconnaît que c'est pas l'original, que c'est pas une copie. Puis elle a pas utilisé de projecteur, elle a pas, exemple, collé la photo puis peinturé par-dessus. Elle a pas tracé par-dessus. C'est ça. Ouais. Ben, elle aurait pu. C'est une technique qui est très valable aussi pour qu'est-ce qu'elle avait à exprimer ensuite. Parce qu'elle prend ces portraits-là, ces toiles-là de l'histoire de l'art, puis, bon, elle les refait. Puis elle leur fait des tatouages aux personnages. Donc, ça va chercher vraiment un contraste entre cette espèce de... d'art très, très académique, tout ça, mm-hmm, et avec le tatouage qui peut être des traditions anciennes, mais qui est tellement contemporain. Ouais, de nos jours, là. Ouais, ouais, c'est ça. Moustache, tatouage, tu sais, ouais, c'est ça. Des fois, ça va ensemble. Men bonne. Ouais, ouais, vraiment. Puis des gros tatous là, partout sur le corps, là, pas juste un petit papillon dans le bas du dos. Là. Donc, comme dans mon temps, c'est ça qui se faisait. Ben, moi, j'en ai pas, mais tu sais, ou sur la cheville, là, une petite coccinelle. Ouais. Oui, ça se voyait souvent, ça. Bon, c'est ça. Je ne suis pas si folle que ça. Hein. Ou des signes chinois, là. Il y a eu une mode de ça. Tu parles contre les gens qui ont un tatou de coccinelle. Non. Okay. Mais c'est qu'il y a un temps, c'était ça, les tatouages. Puis maintenant, c'est vraiment une œuvre d'art sur la peau. Oui, oui, oui, vraiment. Je pense que c'est plus ça que je voulais dire. Que... C'est que ça a beaucoup évolué. Ouais, oui, c'est ça. Où on revient à cette ancestralité ouais, tatouageuse-là. Ah, wow. C'est pas bon. Je trouvais que tu avais du vocabulaire, mais finalement, tu as juste l'air de faire semblant d'en avoir. Non, c'est pas bon. Ben, tu sais, je raficote des mots c'est ensemble. Ça, c'est ça. J'ai l'air bien brillante, mais bon, on dit que c'est pas l'air qui fait la chanson. Voilà. Malheureusement pour moi. Donc, cette fille-là travaille l'imagerie du tatou depuis très longtemps. Elle a étudié ici à l'université. Je pense qu'elle a eu son bac en 2007-2008 là, dans ce coin-là, puis elle avait remporté le prix du public pour cette création-là qui était dans ses premiers où elle travaillait le tatouage, l'étoile de l'histoire de l'art et le glacis. Donc, le glacis, qu'est-ce que c'est que ouais, le glacis? Mmh. C'est pas ce que tu mets par-dessus la peinture puis ça fait en sorte que ta peinture va bouger. Ah, OK, ouais. Ben... C'est une partie de la réponse, je dirais. Ouais, on met pas ça par-dessus la peinture, mais c'est l'accumulation. Ben, c'est tout. Le glacis, c'est une technique d'accumulation de peinture. Donc, c'est un où le pigment va être très, très faible. Donc, c'est presque transparent. Puis là, t'appliques une couche. Maintenant, tu veux faire un rouge, des lèvres rouges, là, très rouges. Fait que là, il va falloir que tu mettes une petite couche de rouge transparent. Tu laisses sécher à peu près 24 heures. Tu remets une petite couche de rouge transparent, tu laisses sécher 24 heures, et ainsi de suite pendant peut-être un mois, puis là, tu vas avoir un rouge très éclatant. Okay. C'est ça qui va peut-être donner l'effet vibrant. Oui, c'est puis, ça. C'est ça qu'on a l'impression qu'il y a peut-être du mouvement dans, mm-hmm, dans la peinture, parce que c'est toute une accumulation de ce petit geste-là. Donc, il faut être très patient pour faire ça. Et puis, c'est une technique qui était utilisée à la Renaissance, faire du glacis. Puis souvent, on faisait ça à la détrempe, à l'œuf. Donc, tu prenais un jaune d'œuf avec de l'eau, puis un pigment en poudre, puis là, ben, ça fait un... Comme dans La jeune fille à la perle. Ah, ouais. Bon. C'est un film, ça? Oui, okay. C'est un livre aussi. OK, puis ils font... ils utilisent cette technique-là? Ils utilisent le glacis, oui. En fait, ils enseignent. Dans le film, c'est... je me souviens plus c'est qui la jeune actrice, mais ils lui enseignent à faire ça. OK. Ah, bon, ben elle a été enseignée par un ancien professeur d'université, fait que c'est presque un copier-coller sur ce film. C'est comme la jeune fille à la perle. Wow, bon, ben on pourrait appeler Cathy Bélanger la jeune fille à la perle. Donc, elle utilise cette technique-là ancienne. Puis elle applique, bon, après ça, les tatouages. Donc, elle identifie les tatouages. Je ne sais pas si vous êtes des personnes tatouées, vous? Non. Oui? Oh. Et vous affectionnez le tatou particulièrement ou... Bien, oui. Oui, moi, j'aime bien. Je n'irais pas me faire une espèce de grosse affaire. Qu'est-ce que t'as? j'ai 5 tatous, en fait. Oh, 5? Ouais. Quand mais même. Mais ce sont tous des pièces individuelles. Puis, bien souvent, c'est pour marquer quelque chose. OK, comme pour te rappeler un voyage ou un chum ou un... ouais, non, mais ouais. Donc, ben, parce que peut-être que ça va dire quelque chose, ça. Il y a des tatouages traditionnels japonais, ça, bon, je pense qu'on comprend mm-hmm. que ça vient du vieux. Ah. Bon. Puis, il y a du old school puis du new school tattoo. Ah, OK. Ah, bon. Puis, il y a des tatouages Mohave. Moave. Ah, ça dit rien? Non. Bon, ben moi non plus. Amérindien, ça, un peu. Écoute, pour vrai, j'ai pas fait de recherche, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas. Fait que je me disais peut-être que vous sauriez qu'est-ce que c'est. Donc, elle applique, ben, les tatouages Moave, je pense que c'est sur le menton, puis il y a des... Ah, ça me dit quelque chose, ça. En tout cas, parce qu'elle a peint des madones avec des tatouages comme ça sur le corps. Donc, tu sais, ça vaut la peine, le coup d'œil, vraiment, là, c'est un... Tu sais, même si on n'est pas super fan de tatou, là, ça donne quand même un effet très particulier de voir ces personnages-là, la Mona Lisa tatouée, tu sais. Ouais, ouais. Donc, puis la technique, elle est tellement réussie que ça vaut la peine d'aller voir ça. C'est vraiment un tour de force. C'était indien, en effet. Oh, bravo. Merci. En fait, c'était une tribu indienne, puis c'est pour ça que ça s'appelle les tatouages Moave, c'est qu'eux se faisaient ça dans le visage. OK, puis comme ça, on les reconnaissait. Oui, exactement. Ah. Bon. Et dans le campus le plus récent, il y a des photos de cette exposition de tatou, donc si ça vous... C'est là que j'ai vu la fameuse Joconde tatou. Ah, ben oui. Un avant-goût visuel pour après ça aller au café. Je sais bien pas qui a choisi de mettre cette photo-là et qui a écrit cet article-là. C'est une certaine Marie-Christine Perreur. Ah. On est deux. Il y en a qui disent Perras, mais c'est Perras. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Culturellement, dans ma famille, c'est Perras, mais maintenant, j'aime bien Perras. Je trouve que ça fait chroniqueur d'art visuel. Donc, c'est ça vaut vraiment le coup d'œil. Puis, il y a une de ses pièces maîtresses, ça y a pris 8 mois à faire, justement, d'accumulation de glacis. Mais elle dit, des fois, elle a triché un peu. Elle a peut-être mis un petit peu plus de pigments. T'sais, il était moins transparent, peut-être. Ça a tout gâché, je suis sûr. Ah, non, pas du tout. C'est vraiment, là, c'est très impressionnant, tout ça. Et puis, la deuxième partie de l'exposition, là, c'est vraiment un autre registre. C'est des femmes très sensuelles, pulpeuses, chaleureuses, c'est ça, hein? On peut rajouter d'autres qualificatifs à ces femmes. Ouais, des femmes-femmes. Des femmes-femmes. Des vraies femmes. Des vraies femmes, avec des regards très langoureux, très perçants, puis avec des chevelures extravagantes, puis il y a de la texture là-dedans, puis des motifs de poids, puis tu sais, c'est très... tu sais, très, très... Je veux pas dire ordinaire, là, que tu sais, ça vaut pas la peine, mais tu sais, il y a... Là, c'est moins impressionnant, disons, que les tableaux de l'histoire de l'art avec mm-hmm. des tatouages. Mais c'est très beau, ça fait pop. C'est très bien exécuté. C'est à l'aquarelle, donc au lavis. Okay. Donc ça, c'est de prendre la couleur, de la diluer beaucoup dans l'eau. Donc c'est comme ça qu'on va aller chercher les dégradés d'ombre et de lumière. C'est un petit peu comme au fusain, exemple. Là. Mm-hmm. C'est un trait très, très foncé, en bleu très vif. Puis là, ben après ça, si tu veux faire... Tu vas le découler. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est une espèce de dégradé avec une seule couleur. Puis ça fonctionne... Ben, il y a plus qu'une couleur sur ces toiles, par contre, mais sont presque monochromes, certaines, il me semble, de souvenirs, mais ça vaut la peine aussi ça, d'être vu. Là. Puis toutes ces toiles sont en vente, donc les plus petites sont pas très chères. Puis ça fait beau, ça, dans un appartement d'étudiants, je trouve. Mm-hmm. Cette œuvre d'art. Mm-hmm. Ouais, comme ça. Puis là, elle est en train de travailler sur une autre série de peintures qui... Elle m'a dit que ça ressemblerait plus à ses filles, un peu pop, là, mais elle irait travailler avec la truelle. Donc, là, il y a le pinceau, puis la truelle, c'est l'espèce de spatule. Mm-hmm. Ouais. Donc, ça donne des choses plus texturées aussi. Donc, elle se lance dans un autre lignée, puis elle dit, là, le côté très, très académique, très contrôlé, ben t'sais, j'aime ça, je suis bonne, mais j'ai besoin d'un équilibre, j'ai besoin de quelque chose de plus spontané. Donc, ces filles-là à l'aquarelle, ça lui donnait la possibilité de travailler 4 heures sur une toile. Au lieu de plutôt que 8 mois, c'est ça, exactement. Donc, vraiment, c'est une femme avec toutes sortes de contrastes et un bel équilibre. Là. Donc, Café Frida, allez voir ça. Puis sinon, je vous invite à venir me rencontrer. Oh! au vernissage mercredi à la Galerie R3. Ah oui, tu vas être là. Ben, sûrement que je vais y aller. Le mercredi, c'est un peu dur, là, mais je vais essayer. Puis il y a une espèce de performance sonore acoustique. Je ne sais trop là, à quoi ça va ressembler tout ça. Mais ça, c'est à 16h. Puis il marquait pour les intéressés. Fait que je pense que là, il faut que ça tente de vivre une expérience hors du commun. Sinon, il y a le vernissage à 17h où là, tout le monde est invité. La Galerie R3 savent recevoir leur monde en plein vernissage. Boucher et vin, trois sortes de rouge, trois sortes de blanc, eau minérale, jus et etc. Ouais, c'est pas des blagues. Et c'est sur le campus de QTR, donc très facile de s'y rendre. Exactement. Donc, si vous voulez vivre une expérience sensationnelle hors du commun à 16h, et à 17h, le vernissage ordinaire. Mercredi. Ça, c'est ça. On parle du 20 janvier. Oh! 20! Oh, 20! 20 fromages janvier. Voilà. Incroyable. C'est à cause de ça. Voilà. C'est tout, Marie-Christine? Ben oui, c'est tout. Merci. On te retrouve dans 2 semaines. Oui! Et là, on va reprendre l'horaire là, tout le temps aux 2 semaines, à chaque 2 semaines. Ouais, ben c'est ça, exactement. Là. Il y a peut-être pas quelque part là-dedans. Je ne sais pas trop quoi. Ah, On verra ça. Marie-Christine Perra, merci. Bonne ça journée. Fait plaisir. Nous, c'est la fin de l'assemblage requis pour aujourd'hui. Ça a passé vraiment vite avec autant de gens intéressants en studio. Moi, j'ai bien aimé ça. Mais bon, hein, c'est fini. On passe à autre chose. Hein? C'est fini. Demain, à l'émission, on va être mardi. On va avoir Jimmy Thibodeau et sa nouvelle chronique. En fait, sa deuxième nouvelle chronique sur l'actualité. Donc ça, c'est à 8h. Ensuite, à 8h30, Gabriel Béhoud va être dans un tout autre registre avec sa chronique dans les coulisses de la Luitre. On va parler du match de ce soir, 20h, à la Chasse-Galerie. On remercie encore une fois donc Samuel Girard pour sa chronique où il part sur une chia. Et Marie-Christine Perra avec gratin et vin gratuit. Merci à toi, Talia Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Ça me fait plaisir. Sur nos ondes à 11h, on a bien sûr le Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, en après-midi, on aura Classique avec Alain Lefebvre. À 19h, le Voyage insolite. Et à 20h, Rock de Duron avec du rock progressif. Du N-Rock. C'est fou.ca pour la préparation complète. Assemblagerocky.com pour les notes de l'émission Les balados diffusion. Moi, je retiens d'aujourd'hui Bathman. L'homme de pain. Ouais. J'avais beaucoup de salive, en fait, quand je parlais. Je pense que... En tout cas. On se quitte avec la pièce Restless de New Order. Et on se retrouve demain, 6h30. Bye! Bye! Hey, on va être au kiosque à côté de la cafétéria. À côté de la cafétéria, toute la journée, aujourd'hui et demain. Donc, si jamais vous voulez de l'information par rapport à faire de la radio avec nous, à C'est Fou, on est à côté de la CAF, toute la journée. À tantôt! Là. À tantôt! Climate. stagnant.